Audiomatique. Nous lancions cette transmission 207 d'Audiomatique avec l'artiste américain Guillermo Scott Aaron, mieux connu sous son pseudonyme Prefuse 73, qui nous présentait sa composition The Only Hand to Hold, sur laquelle on peut entendre la chanteuse Shara Warden, leader du projet My Brightest Diamond. Cette pièce est tirée de l'album The Only She Chapters. Si les environnements naturels sont faits d'ambiances constituées de sons organiques provenant de la nature, des humains ou des structures, les environnements virtuels sont, quant à eux, caractérisés par des sons synthétiques fabriqués pour générer une réalité sonore parallèle propice à l'immersion. Et quand ces sons synthétiques sont assemblés, ils peuvent créer des compositions électroniques. C'est le cas du plus récent album du groupe Frontline Assembly, qui a composé les ambiances sonores pour le jeu vidéo War Mesh et qui les a transposées par la suite en pièces, comme dans le cas de Force Carrier que nous entendons à l'instant. séquence de deux pièces audiomatiques qui se concluait sur la musique du projet Ghost de l'artiste américain Brian Froe de son plus récent album Everything We Touch Turns to Dust paru en 2017. Nous entendions la pièce Watch It All Burn. Avant Ghost, c'était le groupe Frontline Assembly et la pièce Force Carrier de leur plus récent album Warm Mesh, sorti en juillet dernier. Les compositions de cet album sont inspirées de la trame sonore du jeu vidéo du même nom, soit Warm Mesh, pièces qui ont été composées par Frontline Assembly. Pour la suite d'Audiomatic, nous vous proposons le groupe new-yorkais Phenomenal and Clap Band. We'll be right back. Cette séquence musicale à audiomatique se concluait avec la chanteuse suédoise Luke Lee et sa chanson Jerome de son deuxième album Wounded Rhymes. Précédemment à Luke Lee, il s'agissait du compositeur argentin Federico Obel et la pièce Kreutzberg, extraite de l'album Berlin 13. Et pour débuter, Phenomenal and Clap Band nous offrait la chanson Give de leur troisième album Form and Control. À Audiomatic, le projet Banco de Gaia nous offre sa version de la pièce A Loop in Time, originellement composée par Wally Brill. commencer. Nous entendions à l'instant la musique du projet Montage de l'artiste japonais Akira Yamamichi de son deuxième album Mixology paru en 1998. C'était la pièce Expressa dans une version remixée. Avant Montage, nous entendions Nearly God, l'un des projets de l'artiste Adrian Tarves, mieux connu sous son pseudonyme Tricky. La pièce que nous écoutions, soit Black Coffee, met à contribution la chanteuse Martina Topley Bird. La pièce se trouve sur l'album homonyme Nearly God. Et on amorçait la séquence avec la pièce A Loop in Time, originalement composée par Wally Brill et présentée aujourd'hui en version remixée par le projet Banco de Gaia. Cette pièce se retrouve sur la compilation At Home at Sunset, produite en 2001 par l'étiquette Moonshine Music. Ce sera le groupe danois Choir of Young Believers qui mettra un terme à cette transmission 207 d'Audiomatique, avec leur chanson Paralyze que l'on retrouve sur l'album Rhine Gold paru en 2012. Les électronistes vous retrouveront mercredi prochain dès 17h sur les ondes du 89.1 FM, c'est fou, pour la transmission 208 d'Audiomatique. Nous vous invitons à explorer le contenu de nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfoe et mixcloud.com/audiomatique. Ces plateformes hébergent, entre autres, toutes nos anciennes transmissions. Voici donc Choir of Young Believers et la chanson Paralyze. C'était Audiomatique avec les électronistes.